Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est notre séquence urbanisme architecture que nous menons avec l'architecte Éric Rivard depuis déjà plusieurs chroniques, sauf qu'aujourd'hui, il va nous faire sortir de Québec pour nous emmener dans le Grand Nord québécois. Bonjour Éric. Bonjour Valérie, ça va bien? Oui, et tu n'es pas tout seul aujourd'hui? Ben non, j'ai amené ma grande amie Geneviève Vachon que je vais vous présenter dans quelques instants. On poursuit aujourd'hui cette chronique de nordicité, ma foi, donc il y a énormément de recherches qui se fait et qui concerne à la fois l'aménagement urbain et la nordicité. Aujourd'hui, donc, j'ai choisi d'amener avec moi une architecte designer urbain, professeure à l'École d'architecture de l'Université Laval, qui est aussi une chercheure et, plus particulièrement en ce qui nous concerne aujourd'hui, la directrice du projet de recherche Habiter le Nord québécois, Geneviève Vachon, qui a accepté notre invitation pour parler de ce projet de recherche extrêmement intéressant. Donc, bonjour, Madame Vachon. Bonjour à vous deux. Donc, vous êtes la directrice du projet Habiter le Nord québécois. Habiter le Grand Nord ou le Nord? Le Nord. Le Nord québécois. Ouais. Et alors donc, j'ai cru voir que c'était un projet collaboratif et j'ai l'impression aussi que c'est un projet pluridisciplinaire. Tout à fait. Donc, peut-être que vous pouvez nous présenter un petit peu brièvement comment ça se passe, les partenaires. Ouais. On est effectivement une très grande équipe interdisciplinaire et interculturelle aussi. D'une vingtaine de co-chercheurs de 5 universités et un cégep, 34 étudiants, et ça augmente d'année en année, et beaucoup de partenaires, des partenaires privés, dont des bureaux d'architecture, des architectes qui travaillent dans le Nord, et des organisations et des communautés Innus et Inuits, qui sont de tous les instants dans cette aventure pour contribuer de leur savoir et de leur connaissance à une façon de mieux réfléchir, de mieux anticiper aussi les transformations de l'habitat, de l'aménagement des villages et des réserves sur leurs deux territoires respectifs. Ben justement, parlons-en des territoires, parce qu'on parle du Nord, on parle des territoires, mais là, on parle des Inuits, des Inuits. Alors, les Inuits habitent sur la côte Nord, sur un territoire qui s'appelle le Nitassinan. Et il y a 10 communautés Inuits à partir d'Essipit, qu'on connaît bien, qui est les Escoumins. Les Escoumins. Et qui se rendent jusqu'à... Natashquan. Voilà. Ouais. Et même après ça, jusqu'à Saint-Augustin. Est-ce que dans le Nord, Shefferville en fait partie? Oui, Shefferville, il y a des Inuits aussi. Et le territoire que les Inuits habitent au Québec, c'est le Nunavik. Ouais. On est là au nord du 55e parallèle, et il n'y a presque plus d'arbres rendus à cette hauteur, à part quelques-uns dans certains villages comme Koudjouak, qui agit comme leur capitale. Ouais. Donc, et j'imagine aussi que là, on a donc deux communautés culturelles qui sont quand même peut-être distinctes. On a des territoires qui sont différents. Est-ce que ça implique aussi donc des façons d'habiter différentes, donc des façons de mener la recherche peut-être différentes? Ben, probablement. Des enjeux différents? Qu'à un certain moment donné de leur histoire, ils habitaient de façon assez différente. Il faut savoir que c'était toutes les deux nations des peuples nomades jusqu'à très récemment, encore plus récemment, je dirais, pour les Inuits du Nunavik. Quand on dit récemment, on parle de quand? Bien, la dernière fondation d'un village ou constitution d'une municipalité au Nunavik Inuit date des années 70. Alors que du côté Innu, il y avait des réserves, des territoires de réserve qui se sont constitués à partir du début du 20e siècle. Pardon. Donc, ils ne sont pas au même niveau de sédentarisation, je dirais, et ça change d'une communauté à l'autre, soit qu'elles sont plus à l'ouest ou plus à l'est ou plus au nord encore. Mais cela dit, ils partagent maintenant des défis quant à leur habitat où il y a plein de croisements. Je veux dire, ils vivent des situations difficiles, d'urgence, qui sont similaires. Et c'est pour ça que notre projet a voulu être un prétexte, un laboratoire, un lieu de conversation entre les chercheurs et les Autochtones, bien sûr, mais aussi entre les Inuits et les Inuits eux-mêmes, pour qu'ils puissent partager ensemble des connaissances, des expériences, des savoir-faire, pour peut-être se conseiller mutuellement, alors qu'ils se parlent presque, ils n'ont pas d'occasion de se rencontrer. Oui, c'est vrai que peut-être les gens des Escoumins puis de Koudjouak n'ont peut-être pas souvent l'occasion de se rencontrer. Ben voilà, il y a des distances culturelles, il y a des distances linguistiques, des distances géographiques, mais ils se retrouvent quelque part autour de défis de logement. Ben, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ces défis de logement, parce que bon, a priori, on peut se dire, après tout, les Inuits n'avaient pas nécessairement... Ça fait quand même un certain temps qu'ils habitent le Nord. Est-ce qu'ils ont plus de défis aujourd'hui, maintenant, qu'avant? En particulier à cause de la sédentarisation. Donc, quels sont ces défis? À cause de la sédentarisation et de... On a commencé à faire des maisons, à construire des maisons. On a voulu, chez les Inuits notamment, les habiter, ces maisons-là, de plus en plus. Et comme ils ont une démographie qui est très, très en croissance, ben ça fournit pas. Je veux dire, il manque de maisons pour suffire aux besoins. Et donc, en plus, ces maisons-là, qui ressemblent à des jumelés hein, qu'on pourrait trouver sur dans le sud, elles sont trop petites. Elles leur ressemblent pas dans les pratiques qu'ils ont d'habiter ensemble dans des grandes familles. Et ils ont pas beaucoup d'occasion de le dire, de se manifester, d'essayer de trouver de meilleurs moyens de construire ces maisons-là pour qu'elles leur ressemblent mieux. Et toutes ces maisons-là se construisent vite, dans l'urgence. Hein. Vous savez que les matériaux qui arrivent dans le nord pour la construction, ça arrive par bateau, une fois par année avant que les glaces arrivent, parce qu'il n'y a pas de route qui relie les villages entre eux, ni avec le sud. Et donc, quand les allocations pour construire arrivent, ben, les matériaux arrivent aussi. Et là, vite, il faut construire avec des plans, des modèles, sur lesquels on n'a pas beaucoup de temps de travailler, parce qu'on est pressé. Et tout ça se fait aussi dans un contexte où les changements climatiques sont aussi là aussi font des ravages, notamment pour les questions du sol. Vous savez que les maisons ont été déposées sur des sols gelés, c'était dur comme du béton, mais on peut dire ça va durer des décennies. Mais non, là, la glace du sol fond. Ça dégèle. Et là, ben, les maisons commencent à boiter. Et en plus, ça cause un problème de plus. Et il y a des problèmes d'aménagement, je dirais. Et ça, Éric pourra en parler parce qu'il est venu au nord avec nous. On parle d'étalement urbain dans les villages du Nunavik aussi. Ça, c'est surprenant, ça. C'est étonnant. Très surprenant, mais en réalité, Geneviève le résume quand même bien. Juste la question du pergélisol fait souvent qu'on cherche un peu les meilleurs terrains à construire au nord. On cherche le roc. Oui, on cherche surtout le sol gelé, gelé en profondeur. Et donc, on est prêt à faire des espèces de sauts de mouton dans l'aménagement pour aller chercher ces bons sols-là, laissant parfois des trous non construits assez importants à proximité des cœurs des villages. Donc, parfois, on n'est pas surpris de voir là, des Inuits qui vont marcher des très, très longues distances juste pour se rendre à l'épicerie, au centre communautaire, à la maison des jeunes. Au grand froid. Et là, quand on parle de grand froid, je veux dire, c'est vraiment c'est le froid sérieux. Et donc, c'est ça, il y a des défis, Geneviève l'a bien mentionné, d'architecture, il y a des défis de design urbain, d'aménagement, d'urbanisme. Et là, on glisse aussi tranquillement vers la nature des sols même. Donc, il y a des défis de géographie, il y a des défis sociaux. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ce projet-là? Puis c'est peut-être là-dessus que je voudrais relancer Geneviève. C'est vraiment un projet qui fait appel une espèce d'interdisciplinarité presque exemplaire, là, où il y a des chercheurs qui peut-être n'étaient même pas naturellement habitués à collaborer. Bien, d'abord, les architectes, parce que c'est pas la première fois que les architectes s'intéressent au Nord. Il y a des architectes qui construisent au Nord, bien sûr, mais ça restait souvent dans un domaine de la technique. Oui. Hein, autrement, trouver les meilleures façons pour qu'il ne fasse pas trop froid dans les maisons, pour qu'il y ait moins d'humidité et compagnie. Et nous, comme architectes chercheurs, on s'est dit, c'est pas tout ça. Nous, on fait de la recherche avec les Autochtones plus au Sud, depuis longtemps pour savoir que c'est plus grave que ça quand on se reconnaît pas dans sa propre maison et qu'on n'a pas l'occasion de participer au design de la maison. Et là, on s'est dit, ben, faudrait peut-être que les sociologues nous informent sur les pratiques de l'habiter, sur comment une famille a le goût de se rassembler, de manger ensemble. Sans doute pas à une table de cuisine, mais par terre, quand on a, comme un Inuit, envie de manger de la viande gelée, de la partager au sol. Donc ça nous, un architecte, ça nous dit, ben, faut faire les cuisines autrement. Il faut parler à des environnementalistes, des spécialistes du pergélisol, pour qu'on se questionne sur les fondations aussi. C'est des aspects techniques, mais c'est aussi une question de contact avec le territoire. C'est des gens qui ont un contact avec le land qu'ils appellent depuis des millénaires. Et soudainement, on les décolle de leur propre territoire. On les met sur du prélor et il y a une déconnexion qui crée des blessures dans leur être, et crée du mal-être. Donc, on s'informe auprès de ces spécialistes. On va voir des politologues aussi qui nous disent, écoutez, là, vous n'êtes pas les premiers à penser à ça. Il y a des raisons politique qui est systémique. Sur la gouvernance aussi. Sur la gouvernance, qui explique plein de choses que vous ne comprendrez jamais. Puis effectivement, on ne peut pas agir sur tout. Et on demande à des médecins aussi, de médecine communautaire, qui font des enquêtes de santé en lien avec la maison, parce qu'on sait qu'il y a des gens mal en point dans les maisons. L'air circule mal, ça a des impacts. Donc on s'informe là-dessus aussi. La nutrition, le coût de la vie. Bref, j'en manque. Et donc, on s'est dit, pour réfléchir à un un défi aussi central que ta maison, ce qui est le plus proche de ta personne, on a besoin de comprendre ce qui se passe et d'imaginer ensemble des pistes de solutions. Ça, on est bon là-dedans en architecture, mais à partir d'une collection de données, d'informations qui proviennent d'un ensemble de disciplines et qui proviennent aussi des Autochtones eux-mêmes. Ben oui, c'est ce que je me demandais aussi. C'est pas juste d'aller bien demander sûr aux sociologues, aux anthropologues, aux géologues comment ça marche dans le Nord, mais qu'est-ce qu'en pensent eux, les c'est notre défi. Et comment est-ce qu'eux, ils voient cette recherche qui leur arrive quand même du Sud, d'un autre côté? Leur première réaction, c'est de dire, hey, là, ma gang de chercheurs, vous allez arrêter de nous examiner comme si on était des bêtes de foire. Parce que vous savez que les Inuits sont les personnes les plus sur lesquels on fait le plus de recherches au monde. Okay? Ah oui, c'est vrai? Ah oui, c'est prouvé. Et là, nous, on s'est dit, non, nous, on veut discuter avec vous, on veut établir un dialogue, on veut mobiliser, on veut connaître votre opinion sur ce qui est souhaitable et désirable et acceptable. Vous êtes sur ce territoire du Grand Nord depuis des millénaires. On pense que vous êtes capable de vous savoir, en êtes les experts, n'est-ce pas? C'est ça. Mm. Donc, apprenez-nous. Vous avez, là, il y a une déconnexion avec votre habitat nomade pour toutes sortes de raisons. Alors, parlons-en et on y va un petit peu de manière sneaky, je dirais. On va même voir des constructeurs de kayaks, des jeunes, pour voir comment ils assemblent les morceaux, font des nœuds. Et on se dit peut-être que ce savoir-faire-là peut être importé dans la construction avec des modèles de fer plus traditionnels. Mais on met sur la table cette possibilité d'échanger de l'ingéniosité autochtone dans ce vaste défi. Et j'aurais envie de rebondir parce que imaginons qu'on est un étudiant universitaire à la maîtrise ou au doctorat ici, qui n'a jamais mis les pieds au Nunavik ou au Nitassinan. Puis, donc, on peut même penser qu'il y a même un choc culturel. Là, je veux dire, moi, pour y être allé à Kujawiak, Inukjuak, c'est comme si on allait dans un autre pays. Là, c'est vraiment la découverte d'une autre nation. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans votre projet de recherche, c'est qu'il y a... Bon, t'as dit, Geneviève, t'as utilisé le mot un peu sneaky, mais ça fonctionne dans les deux sens. Donc, comment on fait pour imprégner un jeune chercheur à la maîtrise ou au doctorat de cette nouvelle culture? Comment vous le faites par vos activités de mobilisation? Ben, nous, on leur dit que, premièrement, regarde, on sait rien. Et il faut avoir la modestie de se mettre en position d'apprentissage mutuel aussi. Ils apprennent de nous, on apprend d'eux. Mais surtout, de mettre de l'avant des manières de travailler ensemble qui sont véritablement, sincèrement collaboratives et qui s'appuient sur l'idée que l'architecte a quelque chose à dire, il a une expertise, l'ingénieur a son expertise, le sociologue a son expertise, l'Inou a aussi son expertise, c'est des experts du quotidien. Et ça, c'est un savoir, une connaissance qui est aussi valable que les autres, de les croiser. C'est le défi. Donc, comment on fait ça? On fait des ateliers de design collaboratif parce qu'on pense qu'autour du projet de design, il y a un foisonnement d'idées qui arrivent de toutes parts, puis on a comme un problème concret à résoudre ensemble, et ça stimule les discussions, ça stimule ce partage de savoir-là. Et les étudiants, je pense que c'est comme ça, ils doivent apprendre, je pense, à travailler autrement avec les autres et à se mettre en position d'ouverture et d'écoute, toujours dans l'action, dans la créativité, mais de ne pas le faire en mode je suis de ma discipline et je vous donne la réponse. Ça, je pense que c'est un modèle révolu. C'est dépassé, je pense. Voilà. Il y a des exemples extrêmement intéressants, là, par exemple, où vous avez réussi, par exemple, à renverser cette façon traditionnelle là, de faire de la recherche. Je pense, entre autres, au concours des cours d'école là, que vous avez organisé. On vient de faire récemment, on essaie beaucoup, nous, on s'est donné pour mission d'impliquer beaucoup les jeunes, Inuits et Inuit, parce que d'abord, il y en a une masse. Et ils sont d'une ingéniosité, d'une créativité incroyable. Je ne suis pas sûre qu'ils sont dans des systèmes scolaires qui leur ressemblent toujours. Je parle surtout du Nunavik, mais ça, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Vous ferez venir quelqu'un qui en parlera. Mais on s'est donné pour mission de les intéresser à l'architecture ou au moins à l'environnement qui les entoure, à se questionner, puis à se trouver bon en disant c'est quoi qu'ils en pensent, puis qu'est-ce qu'ils souhaitent, de quoi ils rêvent. Et là, on leur a dit, les Inuits, ils viennent de se faire agrandir leurs écoles, des belles écoles d'ailleurs, mais leurs cours d'école, elles, non. Et là, la communauté est venue vers nous en disant, vos jeunes architectes, est-ce qu'ils ne pourraient pas réfléchir aux cours d'école avec nos jeunes à nous et en faire une activité d'apprentissage? Et est-ce qu'on pourrait même pas construire des modules de jeu ensemble. Et on est absolument, vous allez, vos jeunes vous montreront un autre à construire. Il y aura des entrepreneurs qui viendront se joindre à nous. Ouais. Et on a fait ça tout récemment, et c'est vraiment une commande qui venait du milieu. Ouais. Et nous, on a offert notre savoir-faire puis nos bras, mais les jeunes ont aussi participé. Ils ont même fait une centaine de dessins de leur cours de rêve qu'on a intégré dans le design. Fait que c'était assez cool. Et le jury qui évaluait les candidatures était Inou. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tout à coup, c'est les Inou eux-mêmes qui évaluaient les travaux des étudiants en architecture. C'est ça, exactement. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Puis d'avoir l'opportunité ensuite pour les jeunes chercheurs d'aller eux-mêmes sur le territoire construire avec les Inou. Donc ça, c'est quand même une belle réussite. Est-ce que ça s'est concrétisé? Donc est-ce qu'il y a c'est eu fait. Des... Ah, il y a eu deux ça s'est passé en septembre-octobre. Les jeunes sont partis avec des plans, les équipes lauréates. Mm-hmm. OK, allons construire. On a loué des outils à cette île, puis on s'est installé dans les deux communautés de Ouachat et Maliotenam. Et ils ont dit, les jeunes, venez nous aider entre les cours. Ils se sont mis à construire des patentes sur lesquelles grimper. Et les jeunes étaient absolument ravis de sentir qu'on faisait avec eux quelque chose pour eux autres. Pour eux, c'est ça. Penser par eux autres. C'est voilà. Ça, exactement. Ouais. Et ça, quand tu mets juste cette graine, cette idée-là dans la tête d'un jeune Inou, soudainement, il se dit, ben, coudonc, l'architecture, moi, j'aime ça. Ouais. Et est-ce que de cet exemple-là, est-ce qu'on a vu des exemples d'aménagements qui sont original auquel nous on n'aurait pas pensé de notre point de vue de blanc là, est-ce qu'on a... Ben oui, puis souvent être... c'est des choses assez modestes. Hein. Avec Eric notamment, on a fait un atelier de design urbain au Nunavik et on a pensé à faire par exemple, des lieux de socialisation à proximité de l'épicerie du magasin général. Eux autres, ils penseraient jamais ou ils pensaient pas que ça pouvait être un lieu intéressant sur lequel intervenir, mais on leur a dit, hey, vous passez là, je sais pas combien de fois par jour, c'est votre seul magasin. Puis les gens jasaient sur un petit perron de béton, un peu innocent, excusez-moi, tout petit. Et nous, on s'est dit, ben, et si c'était avec un petit toit dessus, si c'était plus grand, si vous pouvez sortir des étals à l'extérieur pour. Ouais. Et c'est devenu un espace de socialisation. Ils étaient bien surpris de ça, mais que c'est donc intéressant, dans la modestie, dans les petits gestes, d'améliorer notre quotidien à partir de ce que nous faisons, que nous trouvons intéressant comme lieu d'échange. Mmh. J'aimerais que vous me parliez aussi, parce que plus dans l'architecture, donc des systèmes constructifs, des matériaux. Est-ce qu'il y a certainement une réflexion qui est faite là-dessus aussi? Oui, nous, on en fait. On a commencé ça. On a deux étudiants à la maîtrise en sciences, Pierre-Olivier Demeul et Antonin Boulanger-Cartier, qui se questionnent avec les Inuits et avec les Inuits sur des matériaux qui pourraient provenir du Nord et du Nitassinan et comment on pourrait les intégrer dans de la construction contemporaine. Parce qu'on s'entend là, que c'est pas parce que les Inuits et les Inuits ne veulent pas revenir habiter dans des tentes avec des igloos, en mousse de tourbe. Non, ce sont des plus là. Comment regarder le potentiel de la pierre, par exemple, pour le Nunavik, pour faire des fondations? Comment regarder aussi des façons de tisser des matériaux entre eux, la toile? Puis peut-être même impliquer les femmes qui font encore beaucoup de couture et qui font des tentes dans de la fabrication d'espaces tampons ou protecteurs à côté d'une maison. Donc, ils sont en train d'examiner ça. Et c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Ça va être un point de départ. Des sortes de bois qui pourraient être aussi trouvés plus proches. Parce que je me dis, si c'est des matériaux qui sont proches de chez eux, c'est peut-être plus facile pour eux de se les approprier que des matériaux qui leur sont apportés de l'extérieur, surtout peut-être pour le Nord. Absolument. Bon, évidemment, des arbres, ça pousse pas au Nunavik. Donc, le bois, c'est... Mais il y a de la pierre, effectivement. J'avais pas pensé. Il y a de la pierre peut-être qui peut être utilisée. Et il y a ça de la roche. Il y en a. Mais sinon, il y a un phénomène de dépendance qui s'installe face au sud, mais face à la météo aussi, là, qui est quand même important. Mais tu sais, au-delà de l'architecture en tant que telle, il y a toute une réflexion qui peut s'apporter aussi sur le mode d'agglomération des villages, qui est là encore très intéressant, parce que là, pour que les gens comprennent bien, là, on n'est pas au Nunavik, il n'y a pas de système d'aqueduc. Donc tout ce qui est eau courante, eau souillée, ça arrive tout par camion et ça repart par camion pour chaque maison. Donc porte à porte livraison d'eau courante, porte à porte collecte d'eau souillée. On gaspille pas l'eau, mais vous imaginez les défis d'aménagement et pourtant on a souvent, dans ces endroits-là, positionné les maisons sur le territoire comme on les positionnerait dans nos banlieues ici, à Sainte-Foy ou à Charlebourg. Là. Et donc, ils s'en étonnent aussi. Ils disent, c'est poche. C'est ça. Monotone. Mais là, d'autres nous disent, ben, il faut que les camions puissent avoir accès aux maisons. Mais nous, on a essayé de réfléchir avec eux. Est-ce que, comme vous vivez aussi en mode de voisinage, puis d'échange entre les familles, de services, ce serait pas intéressant peut-être de vous regrouper. Et mon Dieu, c'est donc pratique. Ces maisons-là sont pas connectées aux égouts. Est-ce que ça, on peut les déplacer peut-être et les reconfigurer? De s'en servir comme un avantage finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on peut les déplacer. Ouais. Toutes ces maisons-là sont complètement flottantes. Mais l'électricité. Ça peut se reconnecter assez facilement. Plus facilement que les conduites d'eau. Oui. Mais on dit pas que c'est la recette, mais au moins on essaye. On essaie des possibles. Et ça, même si c'est pas la solution vers laquelle ils iraient, ça les fait réfléchir sur, oh, attends un peu. Finalement, on pourrait peut-être agir sur notre milieu. Et quand on parlait des matériaux tout à l'heure, la question, c'est pas nécessairement de trouver le matériau et la formule exacte, c'est aussi d'intéresser des constructeurs inuits, de prendre ces matériaux-là et ces modes d'assemblage-là et de procéder eux-mêmes dans cette idée d'une autonomisation ou d'une prise en charge, mais à partir de ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent faire. Voilà. Donc, nos jeunes qui questionnent les matériaux, ils partent pas là tout seuls, ils vont vraiment voir des constructeurs. Ils sont allés voir comment ils font leur camp de chasse. Pour tout vous dire, là. Parce qu'étonnamment, ben pas étonnamment, les Inuits et les Inuits construisent leur camp de chasse, alors que les maisons qu'ils habitent au quotidien leur sont construites souvent par des Blancs, des Autochtones. Donc, ils savent construire. Fondamentalement, ce sont des constructeurs. Bien sûr. Et donc, il y a là, aller trouver de l'information sur leur manière de composer leur chalet, leur camp, de les assembler, les matériaux qu'ils utilisent, l'orientation, comment ils contrent les vents. Et donc, ces jeunes-là, mes jeunes chercheurs, sont allés voir aussi, puiser à ces savoirs-là sur le territoire. J'imagine qu'il y a toute une réflexion aussi sur la composition de la maison elle-même, parce qu'il y a peut-être des espaces qui sont plus ouverts à l'intérieur. Absolument. Puis je crois aussi que chez les Inuits aiment bien avoir comme des appentis à l'extérieur. Dans la maison, ils aiment se voir. Et donc, quand ils ont ces bungalows avec un paquet de cloisons, ça les énerve un peu parce qu'ils veulent être dans la cuisine, voire dans le salon. Ils veulent même faire du camping de salon, comme ils appellent. Ah ouais. Donc, il y a une façon de composer l'espace intérieur qui peut être amélioré. Ils ont aussi encore des pratiques traditionnelles de chasse, de pêche, de couture, quand on pense au Nord, et aucune place pour le faire. Ouais. Donc, comment intégrer ces pratiques traditionnelles auxquelles ils sont très attachés, avec lesquelles ils font un peu d'argent aussi, mais comment les accueillir dans une maison qui les mettra en évidence? Le rangement aussi de des viandes, tu sais, c'est quelque chose, là. T'arrives avec ton caribou, ça rentre pas dans le frigidaire de la cuisine, là. Donc, il faut pouvoir l'écarrir, le stocker. Ils ont des frigidaires comme des congélateurs communautaires, mais dans la maison... Et souvent, le seuil même de la maison n'est pas tout à fait adapté là, à ces besoins-là. Puis imaginez juste là, la météo, là, il fait moins 40, moins 45 dehors. Puis ouvrir la porte et tout à coup, il y a un différentiel de 60 degrés. Là. Et donc, ils sont beaucoup en quête de ces espaces intermédiaires. Là, et puis ça, c'est quelque chose qui regroupe... Les sas froids, là, les sas chauds, ça, c'est quelque chose qui a été... un peu travaillé, là. Les gens comme la SHQ et les organisations qui ont composé les maisons ont amélioré les choses, mais ça pourrait être encore plus proche de leur quotidien. C'est ce qu'on essaie de voir avec eux, s'il n'y aurait pas des améliorations qu'on pourrait faire. Des ateliers de travail, même qui ne sont pas dans la maison, mais à l'extérieur, les Inuits, ça, apprécient beaucoup. La façon dont c'est aussi implanté sur le sol, la connexion avec le sol, avec aussi les éléments de paysage auxquels ils sont vraiment fortement attachés. Un Inuit, qui voit des trucks passer à journée longue avec en face un autre bungalow comme le sien, ça le déprime. Et c'est grave, ça, d'être mal dans ta maison et avoir un manque de connexion avec qui tu es. Et que ton paysage perde un peu le sens. En fait, quand ton paysage est... Alors qu'aussitôt qu'ils s'éloignent un peu du village et qu'ils vont sur le land, vers leurs petits abris, leurs petits camps, et là, ils sont vraiment en forte connexion avec leur territoire. S'ils pouvaient tous faire ça, mais maintenant, s'acheter un troc... un skido, des quatre roues pour se rendre sur le land, pour avoir une cabine, ça devient de plus en plus difficile pour différentes familles. La chasse coûte cher, et ça, donc, plusieurs sont confinés à leur maison et peuvent moins sortir. Mm-hmm. Donc, et comme ils passent le plus clair de leur année, bien souvent dans ces maisons, nous, on pense qu'il faut améliorer les choses, ouais. On espère, avec ouais. Ouais. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça fait quand même un vaste champ de recherche. Vous avez encore combien d'années pour explorer tout ce champ? On achève, malheureusement. Ouais. C'est un financement qu'on a eu en 2015 du gouvernement du Canada et qui va achever en 2020. Mais on a encore de magnifiques projets à venir. Oui, ben en tout cas, merci beaucoup pour cette incursion dans le Nord. Donc, je rappelle, nous étions en compagnie de l'architecte Éric Rivard et de Geneviève Vachon, architecte également, professeur en design urbain et à l'école d'architecture de l'Université Laval et directrice donc de ce projet Habiter le Nord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Et après cette incursion dans le Nord, on va découvrir un tableau périodique des éléments chimiques en chocolat.